Sénégal de K.R. Jimmy, pas quel circonstance. Jimmy est arrivé en France croyant trouver liberté, égalité. Qu'il faudrait niquer les mères. J'ai vu, il n'y a que Jésus qui est dans l'autre jour. Donc Jimmy prend son revolver, surveille au jour le jour. Il apprend que dans la vie, pour y arriver, faut prendre des risques. Que lorsqu'on s'appelle Jimmy, on a rarement ce que l'on mérite. La force et la souffrance des pères, de ça que l'on hérite. Il ne verra pas la fin du film, ne sera pas dans le générique. Mais Jimmy ne sera jamais démuni, prévient la prison à vie, comme aux États-Unis. Jimmy veut être le meilleur, qu'on ne puisse pas rivaliser. Il vit le crime en musique, malhonnêtement équalisé. Jimmy n'a pas peur du shérif, il est de l'autre côté du périph. Ses jours comptés, numérotés. Jimmy veut qu'on le paie, car c'est content, sinon il coupera la musique, te fumera en chantant. Il n'éteindra pas en sortant. Jimmy ne vivra pas longtemps. Mais Jimmy vient du bled, entre plein nègre content. C'est Jimmy. Jimmy a ses raisons.